Raymond Poirier est avec nous. Bonjour, Raymond. Bonjour. Alors, Raymond, on va parler de numérique, bien sûr, puisque c'est le sujet de la chronique. On va parler sécurité ce matin. Oui, sécurité, surveillance, données massives. En fait, il y a eu à peu près une semaine et demie, j'ai eu l'occasion d'assister à un colloque du Centre de sécurité internationale de l'Université Laval qui s'appelait Mega Data 2017. Donc, une plongée un peu dans le volet plus surveillance, parce qu'on a tendance à beaucoup axer sur le côté technique ou encore aussi sur le côté gouvernance municipale et autres, les villes intelligentes et le reste, mais évidemment, la question des données massives est extrêmement large, va affecter et affecte déjà une multitude de domaines. Je t'arrête tout de suite. Données massives, là, pour le commun des mortels, qu'est-ce que c'est exactement les données massives? Les données massives, c'est en fait essentiellement toutes les données qu'on va émettre qui sont disponibles, que ce soit en entreprise, que ce soit dans les organisations, que ce soit dans la société, donc avec tout ce qui se fait et se crée sur le web, avec tout ce qui se crée en termes de sondages, enquêtes. Donc, tout ce qui est généré partout, en fait, c'est ça les données massives. Donc, c'est la masse de données. Et quand tu dis partout, là, c'est partout. Mondial. C'est mondial. On fait le tour, là. Évidemment, on parle avec différents défis parce qu'il y a, bon, il y a de la vidéo, il y a des courriels, il y a des fichiers Excel, il y a des fichiers Word, il y a des fichiers PDF, il y a des fichiers d'autres formats. Donc, c'est extrêmement large. Et le défi, évidemment, c'est de réussir à connecter ces données-là entre elles et à en tirer quelque chose en appui à, justement, différents axes, différents angles. Et évidemment, quand on parle de sécurité, quand on parle d'enquête criminelle, eh bien, ça peut être extrêmement utile de pouvoir avoir accès à des réponses, dans le fond, ou des orientations de réponses issues de ce qu'on appelle les données massives. Évidemment, on va choisir des données qui vont avoir une importance ou une portée par rapport à l'enquête qu'on essaie de régler ou par rapport aux informations qu'on essaie d'avoir. Et à travers tout ça, ben évidemment, les possibilités progressent, évoluent. On ouvrait le colloque avec une présentation du doctorant Pierre Berthelet de l'Université Laval qui disait, ben regardez, notamment Europol, donc la police européenne, eux, justement, autant que les pays européens, ont progressé dans leurs méthodes, dans leurs approches. On utilise donc des jeux de données qui permettent de savoir, par exemple, qui entre et qui sort de l'Union européenne ou qui entre et n'en sort pas. Qui sont-ils? Donc, d'essayer de travailler un peu en ce sens-là. Tout de suite aux terroristes, aux grands criminels de ce monde qu'on veut retracer. Oui, mais ça reste toujours l'enjeu, dans le fond. Donc, évidemment, d'avoir une démarche de suivi de manière plus proche, à savoir, justement, les entrées et sorties dans l'espace Schengen, mais ça peut être extrêmement intéressant. Mais, en parallèle, ce qu'on nous parle aussi, c'est du défi de connecter ces données-là entre elles, parce que, dans le cas d'Europol, c'est un service de police européen qui travaille avec des services de police de chaque pays, qui eux aussi ont des jeux de données qui vont choisir ou non de les rendre disponibles à Europol selon différentes ententes. Et ensuite, il y a la question des formats dont on parlait tantôt. Il y a la question de faire parler ces jeux de données-là entre eux qui devient de plus en plus crucial pour essayer de faire avancer les choses. Et évidemment, c'est un bel exemple de transformation au bout du compte où on se dit, oui, il y a des possibilités et on comprend bien que les technologies vont ouvrir de nouvelles portes, que les données massives vont ouvrir de nouvelles portes, mais on n'est pas nécessairement encore rendu au point où on est capable d'aller jusqu'au bout de ces possibilités-là. Et ça, c'est pour moi, là, qui est un simple citoyen, ces données massives-là, est-ce que moi j'entre là-dedans ou c'est plutôt pour certaines cibles plus pointues? Ben, dès qu'on émet publiquement des informations, on rentre là-dedans. Si je tweete, ça rentre dans les données massives. Si mon Facebook est public, ça rentre dans les données massives. Si on pousse un peu plus loin, évidemment, ensuite, il y a des données qui peuvent être accessibles par voie de surveillance aussi. Il y a les données gouvernementales qui me concernent. Donc oui, tout le monde rentre un peu dans ce jeu-là. Évidemment, ça devient aussi, et c'est un peu l'amorce de la deuxième conférence qui était de Christopher Parson du Citizen Lab de Toronto, qui disait essentiellement, le défi, c'est aussi pour la population de savoir quelles sont les lois qui régissent la gestion et l'utilisation de ces données-là. Je parlais tantôt du drone qui a frappé un avion. Il y en a qui ont de la misère à comprendre les règles là-dedans. Là, c'est compliqué, là. C'est compliqué et dans une certaine mesure, en fait, la grande critique, c'est que souvent, on ne les connaît pas, ces lois-là. Dans le fond, lui disait que, justement, les termes de loi avaient évolué beaucoup, évidemment, au fil des années, mais jusqu'à récemment, presque, on a l'impression qu'on fonctionnait avec des lois qui dataient peut-être un peu et donc qui avaient, de ce fait, un manque de transparence qui était bien réel, dans le fond, au niveau de l'utilisation d'outils et d'approches de surveillance. surveillance qui sont liées aux données massives. On va en parler tantôt. Ouais. Et évidemment, mais tout ça, c'est toujours dans un objectif noble. C'est d'éviter qu'il y ait des enjeux, des dangers envers le Canada. Donc, c'est la défense du pays. Quand on parlait de terroristes tantôt, ben, ça reste quelque chose donc qu'on juge un peu collectivement important. Mais donc, de quelle manière on ajuste, si on peut dire, les orientations en matière d'enquête, en matière de surveillance, c'est ça qui est peut-être un peu moins clair. Alors on dit, ben il faut que les gouvernements soient responsables, soient transparents. Il y a des lois qui sont tranquillement mises en place. Il y a ces 59 notamment qui éclaircit un peu la notion des cybermandats, mais il y a encore une zone de flou. Il y a quelqu'un de la protection de la vie privée justement du Canada qui est venu nous parler un peu de l'évolution de ces lois-là entre autres, et qui disait que c'est en 1761, dans le fond, qu'on avait commencé à s'intéresser à la question de la vie privée, à la protection de la vie privée, après une enquête en lien avec l'importation illégale de sucre et de sel. Et éventuellement, cet arrêt-là avait été mis à jour en 1961, donc pour essayer d'intégrer justement l'idée de stockage virtuel, si on peut dire, et de pouvoir aller chercher certains types d'informations. Donc, il y avait eu cette progression-là, et ensuite, en 1969, là, on avait eu une troisième intégration pour essayer de voir, justement, comment on allait mettre en place des recherches sur les campus universitaires, par exemple. Donc, d'où l'ancrage avec l'idée d'information. C'est quand même le premier endroit où il y avait un stockage quand même un peu plus important. Et là, tranquillement, ça a progressé au niveau technologique, pas nécessairement au niveau législatif, et tranquillement, il y a des gouvernements qui ont commencé à se préoccuper de l'idée de l'encryption par défaut. Donc, le fait, par exemple, que l'information sur mon téléphone cellulaire soit pas de facto accessible. Donc, il faut qu'il y ait un code. Ouais. On l'a vu, par exemple, aux États-Unis, ça a été un enjeu important. Et, dans le fond, il y a une crainte que si on crée des espaces qui sont hors loi et pas hors la loi, la nuance, ouais, est importante, eh bien, ça va créer des zones de gris qui vont être difficiles à contrôler, à surveiller. Donc, les agences de surveillance essaient d'aller chercher ces espaces-là. Évidemment, en parallèle, il y a des groupes citoyens, il y a des citoyens, autant que les organisations qui font et qui essaient de faire évoluer les lois, d'accompagner un peu la législation, mais ça se passe quand même assez lentement. Donc, ce qui fait qu'il y a toujours une impression d'un certain cynisme par rapport à tout ça. Oui, mais en même temps, moi, je me dis toujours, la technologie va plus vite que la législation. Là, j'ai l'impression qu'on est en mode toujours rattrapage. On crée les technologies, puis, oh, faudrait créer une loi pour gérer cette nouvelle technologie-là. On n'est pas un peu là-dedans? On est un peu là-dedans, et même un peu plus, je dirais, parce qu'il y a un journaliste de Vice Motherboard, qui est la division de Vice qui s'intéresse aux technologies, qui est venu parler un peu d'un système qui s'appelle le INSI, qui est utilisé au Canada et ailleurs. Et on est en retard aussi sur la notion de stratégie, dans la mesure où souvent certaines agences, comme dans ce cas-ci la Gendarmerie royale du Canada, vont utiliser des technologies, mais ne le diront pas, parce qu'ils vont dire, regardez, si on informe la population qu'on utilise ces outils-là, ça va aussi informer les criminels, donc on va perdre un avantage stratégique. Donc, ce qui fait qu'ils décident de garder secrète certains procédés, certaines approches. Évidemment, tout ça vient alimenter le cynisme ambiant. On s'entend, une fois qu'on découvre que, justement, ces outils-là étaient utilisés. Dans le cas du système INSI, j'explique en quelques mots qu'est-ce que c'est. C'est un outil, en fait, une petite station cellulaire mobile qui vient un peu remplacer, dans le fond, une tour cellulaire. Donc, si, par exemple, on se promenait ici à Québec avec cet outil-là, ben, plutôt que d'acheminer les téléphones cellulaires vers leur tour d'office habituel, ben, ça prendrait le dessus sur la tour et ça les acheminerait vers l'appareil. Mmh. Alors, donc, ce qui se passe, c'est que on est capable, avec ça, de savoir tous les téléphones qui ont été faits dans une zone géographique donnée, mettons un 3 km. Donc, et on va pouvoir pas savoir, évidemment, le contenu de la conversation, mais savoir quel numéro a appelé quel numéro et quel numéro était à quel endroit. Donc, on fait une traque, dans le fond. L'idée, c'est évidemment de pouvoir faire des suivis de criminels, de gangs, de suspects, ouais, donc des traques, par exemple, pour des personnes manquantes et autres. Donc, ça s'est utilisé dans ce type de spectre-là. Et évidemment, c'est utilisé de manière stratégique. Donc, on n'a pas informé la population que ça existait et qu'on l'utilisait. Donc, ce qui fait que à un moment donné, on s'est rendu compte que dans certaines enquêtes de 2010, par exemple, en lien avec la mafia, donc c'est sorti dans des documents de cour, puis là, il y a des gens qui ont levé le doigt et qui ont dit, vous avez cet appareil-là. Et on a creusé tranquillement, on a trouvé d'autres instances d'utilisation de ces outils-là. Et finalement, c'est, je pense, en 2016, la Gendarmerie royale du Canada a levé le doigt et a dit, on a ce système, ce type de système-là, en effet. Ce qui n'était pas complètement illégal, puisqu'il n'y a pas de loi sur le... Ils n'ont aucune obligation de le dire, en fait. Ouais. Mais il l'avait depuis 2005. Donc, 12 ans plus tard, on nous dit, ah ben finalement, oui, en effet, on l'utilise à peu près quoi, 126 fois dans les 5 dernières années. Donc, si on parle de 2016, ça veut dire de 2011 à 2016, ça a été utilisé 126 fois. Ça a été utilisé 29 fois en appui aux polices locales. Les polices locales qui, par ailleurs, elles aussi ont accès à ce type de système-là. Mais elles, selon les enquêtes de Vice Motherboard, n'ont pas encore non plus dévoilé qu'ils les utilisaient. Donc, on rentre un peu dans des systèmes comme ça où on alimente justement les craintes, on alimente le désir et le mécontentement face au manque de transparence pour différents enjeux, évidemment, mais dans le fond, il y a toujours la volonté du public d'être informé et la volonté qui devrait être une nécessité d'informer le public pour éviter justement de créer des mauvaises situations. Donc, des lois qui progressent pas nécessairement assez vite et des mentalités qui progressent pas nécessairement non plus assez vite en ce sens, en matière de transparence. C'est assez compliqué quand même, parce qu'il y a les lois provinciales, les lois fédérales en ce qui nous concerne au Canada, mais est-ce qu'il faudrait pas une instance internationale pour gérer tout ça? Je sais pas, là, je dis à peu près n'importe quoi, mais chaque pays ayant sa législation... Chaque pays a sa législation, puis chaque pays réagira pas à la même vitesse. En fait, les États-Unis, par exemple, au niveau des systèmes INSI, ont réagi avant le Canada, ont informé, je pense que c'était un ou deux ans avant, pour dire, ben voici, on utilise ces systèmes-là. Et évidemment, il y a toujours aussi le biais collectif qu'on a envers ces outils-là. Je parle de surveillance et de technologie présentement. À quoi on en vient à penser? Ça a été souligné justement par un des conférenciers qui, lui, est de la Gendarmerie royale française. Il dit, regardez, nous, quand on commence à parler de technologie de données massives en surveillance et sécurité, on se rend compte que les gens pensent tout de suite soit à 1984, oui, soit à Minority Report. Oui, donc on est là-dedans un peu. Et dans les faits, au niveau technologique, oui, il y a eu des belles avancées, mais on n'est pas rendu là. Donc, il y a une partie de l'imaginaire collectif qui magnifie peut-être un peu ces technologies-là. Est-ce qu'on est en mesure d'apprendre de ces outils-là? Donc, d'un côté, il y a les systèmes qui évoluent, les possibilités qui s'ouvrent. Il y a les organisations qui essaient aussi d'intégrer ces systèmes-là. On l'a vu avec Interpol, avec la Gendarmerie royale française, c'est un peu la même chose aussi. C'est pas nécessairement évident d'adapter les cultures organisationnelles à ces nouveaux outils-là non plus. Et parallèlement, on a donc les perceptions collectives qui sont peut-être beaucoup plus avancées en matière de l'impression qu'on a au niveau des possibles. Il lui disait au niveau de la Gendarmerie royale française qu'on est loin de la police prédictive. Il dit même, il n'y a jamais une machine qui va venir remplacer un policier. Donc, ces outils-là viennent ajouter des données, ajouter des informations qui, éventuellement, vont être traitées par l'humain, vont être prises en considération avec d'autres éléments d'enquête pour prendre une décision éclairée, pour essayer d'identifier les coupables, les victimes ou autres. Mais on est encore loin de pouvoir identifier à l'avance les crimes. On peut anticiper des coupables avec différents éléments, mais on ne peut pas nécessairement anticiper des crimes non plus. Ouais, on n'est pas encore dans la science-fiction, effectivement. Des fois, on a tendance à exagérer un peu le tout, là. Exact. Et il faut dire, en fait, pendant Megadata, justement, il y avait un bel éventail d'intervenants de différents axes, différents angles, des gens du militaire, des gens de la recherche, des gens liés au journalisme. Et il y a un conférencier, je terminerai là-dessus, qui est venu un peu justement élargir la question en disant tout ça aussi nous fait voir et nous fait comprendre que l'enjeu de plus en plus dans les conflits n'est pas nécessairement le conflit lui-même, plutôt que l'image qui est générée autour du conflit. Donc, lui ouvrait vers les guerres, par exemple, celle entre Israël et Hezbollah. Si on se demande qui a gagné cette guerre-là? Je sais pas. En fait, généralement, on va dire... en fait, souvent, les gens vont penser que c'est le Hezbollah qui l'a gagné. Lui disait, mais dans les faits, Israël a gagné tous les engagements militaires, mais la bataille de l'image, elle a été gagnée par Hezbollah. Donc, il y a cet enjeu-là. Et en même temps, au niveau des cibles aussi, qui de plus en plus seront plus nécessairement des lieux physiques, mais des ressources informationnelles, des connaissances et autres. Alors, il y a une évolution donc de tous ces systèmes-là, un peu comme la société évolue et progresse. Alors, c'est intéressant de voir que ce volet-là progresse aussi et que finalement, les mêmes questions qu'on soulève, les mêmes difficultés qu'on rencontre dans les organisations dites traditionnelles sont aussi rencontrées dans le fond dans ce schéma-là, mais avec un enjeu qui dépasse les organisations traditionnelles parce qu'on rentre justement dans les questions de transparence qui sont extrêmement importantes, puisqu'il faut se rappeler que toutes les actions qui sont menées en question de surveillance, guerre et autres, sont menées au nom de la population. Alors, qu'est-ce qu'on fait au nom de la population? Quelles lois on devrait mettre en place pour mieux encadrer justement ces utilisations-là? Mais ça devient peut-être pour la population, pour monsieur et madame tout le monde, peut-être l'enjeu face à ce qui se passe de ce côté-là. Ah, des gros sujets très importants. Merci beaucoup, Raymond Poirier. Ça fait plaisir. Bonne semaine.